Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Au fond, nous étions un peu orphelins tous les deux. Monsieur Proust, ses parents morts, ses amis dispersés, et moi, ma famille au loin, mon mari à la guerre. Si bien que nous avons fait entre nous une sorte de foyer d'intimité. À cette différence que, pour lui, c'était surtout un cercle de travail, tandis que j'oubliais mes tâches domestiques pour ne plus voir que le cercle enchanté. Au bruit de la sonnette, j'arrivais aussitôt, toujours souriante, quelle que soit l'heure, et prête à l'écouter. Quand nous parlions ainsi, ce n'était pas seulement chez lui l'envie de la compagnie, il avait besoin de récapituler. Il faisait le tri de ce qu'il pensait ou de ce qu'il avait rapporté. Je suis sûre qu'il essayait sur moi pour mieux voir ce qu'il écrirait, et aussi parce que, en racontant, il s'échauffait. Moi-même, j'ai eu assez de temps d'y réfléchir depuis, et je suis persuadée aujourd'hui que ce n'était pas tant mon jugement qu'il voulait, mais plutôt ma réaction. J'avais le tournant de l'esprit assez moqueur. Spontanément, je lui livrais le fond de mon âme. Pan ! On s'amusait beaucoup. C'était cela qu'il voulait. Lorsqu'il sortait, je m'attaquais à sa chambre. Comme il ne rangeait jamais rien, ne ramassait jamais rien, il y avait le lit à déblayer, les journaux, les papiers, les porte-plumes tombés ou jetés, les mouchoirs. J'aérais, je préparais des tricots sur le fauteuil au cas où, en rentrant, il aurait froid ou envie de se changer. Les heures passaient vite. Les tâches finies, j'attendais son retour. Je guettais l'arrivée dans le silence de la maison. Dès que j'entendais l'ascenseur, j'étais sur le palier, avant qu'il soit parvenu à l'étage, la main sur la poignée pour lui ouvrir la porte. D'ailleurs, il fallait que je sois là, il n'a jamais eu une clé dans sa poche. Il arrivait toujours avec un beau sourire et un merci. Quand il rentrait, je savais, avant qu'il ait dit « ouf », s'il était content ou pas, rien qu'à la coiffure de son chapeau. Quand il était content, le chapeau était bien coiffé, légèrement relevé sur le front, et dessous les yeux étaient tout brillants. Sinon, il était planté comme un furieux et un peu rabattu sur les yeux, et le sourire était là. Il y avait entre nous un petit rite. Il disait sur le palier « Et alors ?» Je répondais « Et alors ? Vous voilà, monsieur ?» Si la soirée avait été mauvaise, il attendait que je pose la question. « Ça ne va pas, monsieur ?» Ah, ma chère Céleste, si vous saviez comme je regrette d'y être allée. Je me suis ennuyée à un point. Moi qui suis à court de temps, j'aurais mieux fait de travailler. Enfin, enfin, enfin. Si la soirée avait été bonne, alors c'était magnifique. Un vrai feu d'artifice. C'était comme une espèce de provision qu'il avait en lui-même. De l'intérieur, son visage était allumé de gaieté. C'est fini chez moi, Céleste. « Oui, monsieur, tout est prêt. Eh bien, arrivez vite, suivez-moi, j'ai beaucoup à vous raconter. » Je le suivais dans sa chambre. « Eh bien, monsieur, je sens qu'il y aura une analyse aujourd'hui. Peut-être, Céleste, peut-être. » Il riait. Il en oubliait la fatigue, c'était une fontaine de jeunesse. Il me déversait toute la bêtise ou l'esprit qu'il avait rencontré. Un tel avait de l'esprit, un tel était ridicule. L'autre lui avait dit ça et il n'avait même pas compris qu'on se fichait de lui. Une dame qui avait une robe tellement splendide et ainsi de suite. Il y a des gens qui prétendent qu'il était méchant dans sa façon de voir les autres. Moi, je pense que c'était d'abord et surtout un moraliste. Ce qu'il cherchait en tout, que ce soit vertu, vice ou prétention, c'était l'honnêteté de la vérité. Car son souci était de voir jusqu'au fond de l'âme des êtres. Si le revers était noir, alors il ôtait le masque. Il n'aimait pas non plus les extravagances. Une fois, revenant d'un souper chez la rue, il me dit « Figurez-vous qu'il y avait là Jean Cocteau avec d'autres gens, et qu'en me voyant entrer, il s'est mis à sauter, puis à courir sur les tables en criant « C'est Marcel, c'est Marcel !» Après quoi, il a voulu à toute force s'asseoir à côté de moi et me parler, naturellement pour me chanter des fables. J'aime bien son esprit et sa drôlerie, mais il s'épuise à mentir pour se rendre intéressant. Et il y a longtemps que je ne m'étais sentie aussi gênée que ce soir après sa manifestation. C'est à peu près ce qui se passait chaque fois qu'il revenait d'une soirée avec Cocteau. Par exemple, les deux ou trois reprises où il s'était laissé entraîner par lui au Bœuf sur le Toit, qui était devenu le cabaret en vogue des artistes. « Ils ne sont pas sérieux », me disait-il. Maintenant, la nuit, quand je suis seule et que je ne dors pas, et que je réfléchis. Je crois voir M. Proust assis sur son bout de lit, dans la petite lumière de sa chambre, et racontant, mimant l'un ou l'autre, avec son rire heureux et ravi, ou bien avec une tristesse qu'il prenait. Et je me dis que c'est le plus beau théâtre auquel il m'ait été donné d'assister. Cette façon qu'il avait de me rapporter du dehors la comédie et de l'agiter devant moi, c'était comme s'il avait voulu retenir le temps par les cheveux pour l'empêcher de fuir et de lui emporter ses personnages. Quand je ne serai plus là, Céleste, vous verrez que ce sera ce qui vous manquera le plus, de ne plus avoir de petit Marcel pour vous amuser en vous racontant tout et pour vous refaire un salon. Une autre fois où il me parlait comme souvent de la tristesse qu'il croyait que c'était pour moi d'être là, tout le temps dans la nuit, il a ajouté « Il faut bien que je vous égaye ». Mais je n'avais pas besoin de cela. Je me moquais bien de vivre dans la nuit. Quand il rentrait, on aurait dit toute la gaieté du jour qui se levait. Il lui arrivait de me dire tout à coup « Mon Dieu, comme je suis fatiguée, comme j'ai parlé, Céleste ». C'est curieux comme j'aime à bavarder devant vous, mais vous me fatiguez. Eh bien, monsieur, je vais m'en aller. Mais non, non, non, je vous demande pardon, ma chère Céleste. Si vous êtes restée, c'est que je l'ai voulu. N'empêche que la vraie raison, j'en suis sûre, était qu'il se renvoyait la balle sur moi. Il y avait des moments où, brusquement, tout en continuant à parler, il était loin, loin dans ses pensées. Je le voyais à ses yeux. C'était une étrange faculté qu'il avait, comme s'il avait eu le don de disparaître pendant que sa bouche poursuivait le récit. Et puis, tout aussi brusquement, le regard revenait et se posait sur vous de nouveau, comme étonné de vous trouver là. Et alors il s'arrêtait de parler un instant, de l'air de chercher, puis il disait « Ah oui, nous parlions de cela ». Et le récit reprenait là où il l'avait quitté l'instant d'avant. Une nuit, j'étais chez lui depuis 3 ou 4 ans, il m'a dit « Céleste, je me demande ce que vous attendez pour écrire votre journal. » « Je vois cela, monsieur, encore une petite moquerie comme vous aimez en faire. » « Pas du tout, Céleste, je suis sérieux. Personne ne me connaît comme vous. Personne ne sait tout ce que je fais, ni peut savoir tout ce que je vous dis. Et quand je serai mort, vous vendrez votre journal plus que moi mon livre. » « Si, si, si. » Il se vendra comme le boulanger vend ses petits pains le matin et vous gagnerez une énorme fortune. D'ailleurs, j'irai encore plus loin, Céleste. Si vous l'écrivez, je vous le commenterai. C'est ça, monsieur. Vous répétez constamment que vous n'avez pas le temps de faire ce que vous avez à faire et vous voulez me le commenter. Mais quand je vous dis que vous vous moquez... Vous avez tort, Céleste. Je ne me moque pas. Et vous le regretterez. Et comme c'était vrai... Parce que si j'avais écrit ce qu'il me disait, c'était pas long à noter, mais je donnerais un dénouement de son livre formidable. Presque toutes les clés. Presque toutes les clés. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viendront vous voir après ma mort, ni qui vous écriront. Et à ceci, naturellement, tel que je vous connais, vous ne répondrez pas. Le pire est que tout est vrai. On est venu me voir du monde entier depuis sa mort et je continue à recevoir des lettres auxquelles je ne réponds pas. Mais surtout, je regrette de n'avoir pas tenu ce journal, parce que principalement s'il me l'avait commenté, j'aurais eu une autre arme que ma parole et ma mémoire pour lutter contre les mensonges, bien ou mal intentionnés, répandus sur son œuvre et lui. C'était « Monsieur Proust » de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.